Les ruines d'Angkor, extrait de l'exploration du Mékong par Louis de Carnet. Les plus grandes colonies européennes ont eu des commencements modestes. Un comptoir fortifié fut le berceau de l'immense empire qui embrasse aujourd'hui la péninsule hindoustanique tout entière et menace de déborder sur la Chine. Quelques points obtenus sur le littoral à la suite d'une guerre ou par l'effet de négociations heureuses, quelques hommes obéissant à des mobiles divers, mais tous séduits par l'irrésistible attrait de l'inconnu, tels ont été le plus souvent les causes et les instruments d'envahissement progressif qui ont presque toujours abouti à une conquête définitive. Comme les armées en campagne, les colonies ont leurs éclaireurs. Elles ne peuvent souffrir à leurs frontières ni les peuples barbares, ni les populations indolentes. Les indigènes qui laissent en friche un sol naturellement fécond ne sont pas moins leurs ennemis que les tribus guerrières. Par une sorte de loi de la nature que l'on ne constate pas d'ailleurs sans quelque tristesse, il n'existe guère de milieu, pour les peuples placés en dehors de la civilisation européenne, entre une transformation douloureuse ou une extermination impitoyable. Les souverains orientaux qui n'ont pas encore appris cela par expérience le devinent d'instinct, et les plus sages, ouvrant chez eux carrière aux ambitions rivales, cherchent leur salut dans cette rivalité même. C'est pour cela que la clause de notre traité qui excluait du Cambodge les autres puissances européennes irritait si profondément le roi de Siam. On conçoit donc aisément le sentiment de répugnance avec lequel les princes asiatiques accueillent les projets d'expédition dans l'intérieur de leur domaine. L'exploration du bassin du Mékong, préparée en 1866 par ordre du ministre de la Marine et par les soins du gouverneur de la Cochinchine française, ne pouvait manquer de provoquer des suspicions de cette nature, si peu fondées que ces suspicions puissent être en elles-mêmes. Des passeports furent demandés à quatre cabinets. Celui de Pékin temporisa, essaya de nous détourner d'un voyage qui devait nous conduire dans une partie du Céleste Empire où nous rencontrerions trop de périls. Celui de Hué déclara qu'il tenait à nous cacher ses tributaires de la vallée supérieure du Mékong uniquement par amour-propre national, ces peuples à demi-barbares ne devant lui faire aucun honneur. On a dit depuis que ce gouvernement, si plein de coquetterie, avait envoyé des présents aux chefs de tribus en les invitant à nous assassiner. Mais ce méchant bruit n'est peut-être qu'une de ces mystifications dont la presse civilisée n'a pas le monopole. L'empire birman accomplissait la révolution pendant laquelle le siège du gouvernement avait été transporté d'Ava à Mandalay, et les ouvertures de l'amiral de la Grandière demeurèrent sans résultat. Quant au cabinet de Bangkok, sa position vis-à-vis de nous était plus délicate. Nous avions toujours évité de reconnaître les droits du roi de Siam sur le Laos. Ce prince avait d'ailleurs, dans une circonstance récente, trouvé commode d'affirmer qu'il exerçait sur ce pays une souveraineté purement nominale. Il ne pouvait donc songer à nous en fermer l'accès par une défense formelle. D'un autre côté, un mauvais traitement de la part de fonctionnaires relevant de lui pouvait être un grief fourni à la France. Il redoutait que la conquête pacifique du Cambodge ne fût une étape de notre marche en Indochine et ne pouvait se défendre de considérer le voyage projeté comme le préliminaire d'une prise de possession. Le pays où nous allions d'abord pénétrer avait été détaché de la monarchie du Cambodge ou soumis par les armées siamoises qui avaient exercé d'horribles ravages. Le roi de Siam n'avait sur eux d'autre droit que le droit de conquête. Nous allions, en apprenant tout cela, être mis en mesure de discuter la valeur de ces titres. Il se résigna cependant et nous donna des passeports. Il fut convenu à Saïgon que l'expédition ferait une longue halte dans le Balaos et recevrait, quelques mois après son départ, les lettres attendues de Pékin. Les résultats principaux qu'on attendait de l'exploration du Mékong se résumaient en quelques mots. Il s'agissait d'abord de rectifier les cartes anciennes et d'apprécier la navigabilité du fleuve par lequel on entretenait l'espoir de relier la Cochinchine française aux provinces occidentales de la Chine. Les rapides dont on connaissait l'existence étaient-ils un obstacle absolu? Devait-on regarder les îles de Kon comme une infranchissable barrière? Qu'y avait-il de vrai dans l'opinion de certains géographes qui, avec Vincent Don du Moulin, croyait à une communication entre le Meinam et le Mekong. Recueillir des renseignements sur les sources de ces derniers, s'il était impossible de remonter jusqu'à elles, résoudre les divers problèmes géographiques qui devaient naturellement se présenter, telle était la première partie du programme que la commission avait à remplir. On nous demandait en outre de rapporter des données générales qui puissent jeter quelques lumières sur l'histoire, la philologie, l'ethnographie, la religion des peuples riverains du grand fleuve appelés à rester autant que possible le fil conducteur de notre expédition. Nous avions pour instruction de chercher un passage de l'Indochine en Chine, entreprise dans laquelle les Anglais ont toujours échoué jusqu'à présent. Il était essentiel d'ailleurs, depuis l'établissement de la France en Cochinchine, de bien connaître nos voisins du Laos, les ressources de leur pays et la nature de leur rapport avec les puissances de l'Indochine, dont on les savait vaguement tributaires. Aucune limite de temps ne nous était fixée, on ne nous désignait aucune voie de retour. Le Laos, vaste région qui par le nord touche à la Chine et par le sud au Cambodge, passait à Saïgon pour un des pays les plus malsains du monde. Les missionnaires qui de nos jours avaient essayé d'y porter l'évangile étaient morts après peu de temps ou revenus gravement malades. À la suite de ces désastreuses tentatives, on avait renoncé à combattre le bouddhisme dans un des centres de sa puissance. Le seul voyageur laïque qui eût tenté récemment d'explorer ces contrées, notre compatriote Muo, était parti de Bangkok après avoir fait de nombreuses excursions au Cambodge et n'avait rejoint le Mekong qu'au-delà du 18e degré de latitude, un peu au-dessous de Luang Prabang, où il n'avait pas tardé à succomber. Or, craché, le point extrême déterminé sur le Mekong par les hydrographes de la marine est situé entre le 12e et le 13e degré. À peine à 2 degrés de Saïgon, les incertitudes commençaient donc pour la science géographique que les tracés très inexacts du grand fleuve ne pouvaient qu'égarer. Le public sera mis en mesure d'en juger quand M. le lieutenant de vaisseau Garnier, chargé spécialement de la partie météorologique, hydrographique et géographique de l'exploration, aura terminé ses travaux. Nous quittâmes Saïgon le 5 juin 1866 à midi. Ceux qui connaissaient l'indomptable énergie de notre chef nous serraient la main comme à des condamnés. Mais la plupart nous prédisaient un prompt retour après une tentative avortée. Pour moi, lorsque j'essaie de me rappeler aujourd'hui les impressions que j'éprouvais en voyant du pont de la Canonnière s'éloigner les édifices principaux de Saïgon, la capitale naissante de la France asiatique, je les trouve moins vives que celles ressenties quelque temps auparavant lors de mon départ pour le Cambodge. J'avais passé près de 6 mois sous le climat énervant de la Cochinchine et l'action s'en faisait sentir par une sorte d'indifférence générale. Il était impossible de quitter le Cambodge sans visiter les ruines qui font à la fois sa honte et son orgueil. Elles marquent le point où battait le cœur maintenant refroidi de ce grand empire khmer, dont nous retrouverons bientôt sur notre route des membres épars, et la contemplation de ces magnifiques débris était bien faite pour augmenter notre ardeur à rechercher les autres vestiges d'une civilisation disparue. Au sortir de Kompon Luon, notre petite canonnière prit donc la direction du Grand Lac. Le Tonle Sap, véritable mer intérieure, n'a pas moins de 20 lieues de longueur au moment des basses eaux. Mais, quand l'inondation commence, il s'épanche sur la campagne, et l'étendue en est triplée. Durant les mois d'août et de septembre, les routes sont supprimées dans la partie basse du pays. Les barques circulent à travers les champs, les arbres montrent leur tête au-dessus de l'eau, les animaux féroces se retirent en masse sur les hauteurs. Rien ne donne une plus juste idée du déluge. Les hommes de la plaine se réfugient eux-mêmes sur les montagnes où y envoient leurs animaux domestiques. La crue des eaux n'atteint pas tous les ans un niveau uniforme. Il arrive parfois que le riz souffre de la sécheresse, parfois aussi qu'il meure submergé dans les plaines. Il y en a cependant une espèce particulière dont la tige, se développant à mesure que les eaux montent, maintient toujours l'épi à la surface. Nous étions au mois de juin. Les pluies commençaient à peine à tomber régulièrement chaque jour, et les eaux jaunes du lac étaient encore peu profondes. Les passes de cet immense réservoir, qui d'après des traditions fort obscures, n'auraient pas toujours existé, sont étroites et s'obstruent sensiblement chaque année. À l'entrée, sur la gauche, une chaîne de montagnes court dans la direction de Pursat. Les nuages couronnent les hauteurs, et le soleil, qui lutte contre eux sans pouvoir les traverser, leur donne une teinte blanchâtre et transparente. Nous rencontrons çà et là quelques barques de pêcheurs attardés. De rares villages sont dispersés sur les rives, d'autres s'avancent au-dessus de l'eau, et les frêles poteaux qui supportent les cases se penchent sous l'effort des vagues sans que les habitants en paraissent effrayés. Ce sont des anamites, et comme le buffle, leur fidèle serviteur, si la terre venait à manquer, ils s'arrangeraient de la base et de l'eau. Bientôt le vent se lève, il souffle avec violence, creusant des sillons profonds. La terre n'est plus sur notre droite qu'une ligne bleuâtre s'élevant à peine au-dessus des flots. À gauche, nous avons un horizon sans limite. Une ligne imaginaire correspondant à deux poteaux placés sur les rives divise le grand lac aux deux tiers de la longueur et marque le commencement des domaines siamois. En s'emparant des deux provinces de Battambang et d'Angkor, le roi de Siam s'est approprié une partie du lac, dont il ne peut guère profiter d'ailleurs, toutes les issues étant demeurées aux mains des Cambodgiens. Les anamites sont presque seuls à exploiter l'industrie de la pêche. Plusieurs milliers de barques se livrent à cette opération dans le lac lui-même et dans le bras qui met celui-ci en communication avec le Mekong. Les bateaux se chargent de poissons à plein bord. Une partie du produit de cette pêche miraculeuse entre dans l'alimentation publique, dont elle constitue un élément considérable. L'autre est employée à faire de l'huile. Cette pêche annuelle est tenue pour une si bonne affaire qu'on voit des anamites emprunter à 100% l'argent nécessaire à l'achat du sel. Le taux autorisé par la loi cambodgienne n'est que de 40% par an. Les anamites exercent encore au Cambodge un autre genre d'industrie qui mérite d'être signalé. Quand les eaux sont hautes, ils remontent les arroyos qui se jettent dans le Mekong et ravagent les bambous des rives. Ils en font d'immenses radeaux qu'ils livrent au courant. À l'arrivée des radeaux à Phnom Penh, les prix baissent au point qu'on a 30 ou 40 gros bambous pour une ligature. Ils usent alors, pour relever la valeur de leurs marchandises, d'un moyen fort simple, ils incendient un quartier de la capitale. Le soir, au moment où notre canonnière jette l'ancre, quelques pêcheries se révèlent à la lueur vacillante de la torche qui les éclaire et dessinent dans l'eau comme des serpents de feu. Nul bruit humain, rien que le clapotement des vagues et la voix faiblissante du vent. La saison de pêche est finie, et les poissons jouissent de plus de tranquillité à mesure que s'étend leur domaine. Le lendemain, nous voyons devant nous le mont Krom, qui était couronné jadis d'une pagode dont nous voulons visiter les ruines avant de nous rendre à Angkor. Elles sont dissimulées par un épais rideau de grands arbres et se composent de sept tours encore debout. À l'entrée de la dernière enceinte, il y en a deux en briques et deux en grès. Isolées, on les remarquerait sans doute, mais les trois qui s'élèvent en face d'elles absorbent toute l'attention. La plus grande, celle du milieu, est la plus dégradée. Les ravages du temps ajoutent peut-être à l'effet qu'elle produit. Du côté battu par les vents et les pluies torrentielles qui durent 5 mois de l'année, elle présente l'aspect d'un rocher aux excavations bizarres, sur lequel ressortent quelques fragments de la plus fine sculpture. Une foule de chauves-souris, incommodées par notre présence, sortent en tourbillonnant d'une large porte en ruine. Les deux autres tours sont mieux conservées et couvertes d'arabesques, d'ornements, qui augmentent notre désir d'arriver à Angkor. Nous sommes déjà dans la province de ce nom, province perdue par le grand-père du roi Norodom, à la suite d'une sorte d'escroquerie politique. L'autorité morale du petit-fils n'a pas entièrement disparu de cette terre où régna l'aïeul. Et le gouverneur d'Angkor nous fit un cordial accueil. Il mit à notre disposition des chevaux, des éléphants, des chars à buffles, et notre caravane, ainsi composée, arriva jusqu'à sa résidence. Une énorme enceinte construite en pierre ferrugineuse régulièrement taillée et probablement arrachée à des ruines rappelle les châteaux forts du Moyen-Âge. Une grosse pièce de canon en fer, dans laquelle nichent les oiseaux, est braquée devant la porte principale et des têtes humaines fraîchement coupées et placées sur de longs pics fichés en terre indiquent que le seigneur du lieu a droit de haute justice. Quelques chaumières cambodgiennes sont tout ce que l'on aperçoit dans l'enceinte de cette vaste citadelle. Un certain air de propreté qu'on ne voit pas d'ordinaire, même chez les grands, distingue la demeure du gouverneur. Celle-ci nous entoura de soins, fit inscrire nos noms et qualités sur une ardoise, forme de politesse et peut-être aussi mesure de police, car ce brave Cambodgien était l'agent de la cour de Bangkok. Quelques mauvaises gravures européennes décoraient les colonnes et les murailles, un portrait du pape était placé à l'entrée du gynécée. En quittant cette maison hospitalière, nous pénétrâmes dans la forêt, et les brusques accidents de terrain qui faisaient faire à mon char mille soubresauts fantasques ne m'empêchaient pas d'admirer la puissance de cette végétation tropicale. Des arbres gigantesques se disputaient l'espace, et les branches, s'entrelaçant à 100 pieds de hauteur, interceptaient la lumière du soleil. L'air circulait avec peine dans ces forêts. Des bouffées de chaleur s'échappaient du sol comme d'une fournaise. Le pas des animaux soulevait le sable gris du chemin. Il fallait lutter contre le malaise physique et faire un constant effort pour admirer ces immenses colonnes végétales, placées là par la nature, comme un magnifique prélude aux ruines d'Angkor, signalées déjà par les Portugais à la fin du XVIe siècle, et ensevelies jusqu'en ces dernières années dans un oubli mérité. Quelques heures de cette fatigante marche sous bois y conduisent. Des lions raides et fiers comme des lions héraldiques frappent d'abord les yeux. Ils se dressent à l'entrée d'une vaste chaussée pavée de larges dalles et qui conduit à travers d'immenses fossés transformés en marécages à une longue galerie dont trois tours demi-écroulées interrompent la longue ligne architecturale. Je me rappellerai toujours l'impression profonde que me causa ce spectacle. De pompeuses descriptions m'avaient été faites. Je venais de relire les pages consacrées encore par M. Mouhot. Malgré tout, je ne pouvais dominer un sentiment de défiance. J'éprouvais comme une secousse d'étonnement. À peine avais-je franchi la porte du pavillon central, qu'une seconde avenue dallée, longue d'environ 200 mètres, se développa devant moi, jusqu'à un immense édifice, dont les formes sont aussi éloignées de tous nos styles d'architecture occidentale que des chinoiseries dont j'avais déjà pu apprécier quelques échantillons. Fatigué du voyage, épuisé par la chaleur, je crus voir danser devant moi un nombre incroyable de tours aux profils étranges, que rien ne soutenait dans l'espace, et que dominait une autre tour plus élevée. Cette espèce d'hallucination disparut vite et fit place à une admiration raisonnée. Le plan général est simple. L'édifice se compose de deux galeries rectangulaires concentriques et étagées. La première, dont le plus petit côté n'a pas moins de 180 mètres, tandis que l'on mesure 250 sur les faces latérales, est décorée de pavillons aux angles. La seconde est ornée de quatre tours affectant l'aspect d'une tiare immense. Au milieu de la seconde galerie se dresse un massif élevé, terminé aussi par quatre tours. Le centre de ce massif, qui est également le centre de l'édifice, porte une tour de même style que les autres mais plus haute, et qui semble régner sur le monument tout entier. Dans la plupart des temples chrétiens, le sanctuaire, placé à l'extrémité la plus reculée et la plus sombre de l'édifice, est comme entouré de ténèbres. La lumière n'y arrive que modifiée par les couleurs des vitraux qu'elle traverse. À Angkor, le Saint des Saints est dans la tour la plus élevée, dans la partie la plus voisine du ciel et du jour. Ce Saint des Saints se réduit aujourd'hui à quatre très médiocres statues de Bouddha, au pied desquelles les bons arrivent par les avenues qui, coupant à angle droit les deux enceintes, aboutissent aux quatre escaliers monumentaux du massif central. À l'exception des surfaces horizontales, pas une pierre de ce monument colossal n'est demeurée sans ornement. Ces sculptures sont des merveilles dues aux ciseaux d'incomparables artistes dont les inspirations sont gravées pour jamais sur la pierre, mais dont les noms sont effacés de la mémoire des hommes. L'homme le plus fait pour les arts, lisant à Paris la description la plus sincère du Colisée, ne pourrait s'empêcher de trouver l'auteur ridicule à cause de son exagération, et pourtant, celui-ci n'aurait été occupé qu'à se rapetisser et avoir peur de son lecteur. Cette réflexion de Stendhal me revient en mémoire et m'avertit de m'en tenir à cette esquisse rapide du beau temple d'Angkor. D'après une tradition presque légendaire, il aurait été fondé à la suite d'un vœu fait par un roi lépreux qui résidait dans la ville voisine, où sa statue se voit encore. Il remonterait à une date moins éloignée que les principaux monuments de la capitale, et il est dans un état de conservation relative qui rend cette opinion très vraisemblable. Mais rien, jusqu'à présent, n'a permis de déterminer avec quelque certitude l'époque où il a été construit. Parmi les rois qui ont régné sur le Cambodge, beaucoup de ceux qui se tenaient pour des souverains illustres, et cela, comme bien on pense, arrivait souvent, changeaient l'ère cambodgienne et s'efforçaient même d'apporter des modifications dans l'alphabet. Il résulte de là une confusion au milieu de laquelle il est presque impossible de se reconnaître. On ne saurait douter néanmoins que le développement de l'art architectural dont ce temple semble la plus haute expression n'ait coïncidé avec l'épanouissement complet du bouddhisme chez ce peuple khmer, chassé peut-être de l'Inde au moment de la grande persécution religieuse. En célébrant leur foi nouvelle par des œuvres impérissables, ces émigrés leur ont imprimé le cachet des monuments de la patrie dont au fond du cœur ils avaient emporté l'image. Quant à la ville elle-même, encore Tom, encore la grande, les murailles seules en sont intactes. Elles sont larges de près de 3 mètres. Les fortes assises en pierre de taille posées l'une sur l'autre sans chaux ni ciment défient les siècles et résistent aux assauts plus redoutables encore d'une végétation vigoureuse. Des chaussées jetées sur de larges fossés conduisent aux portes de la ville, gardées par 50 géants de pierre, sentinelles énormes et grimaçantes reliées l'une à l'autre par les replis d'un serpent monstrueux qui s'épuise en efforts impuissants pour échapper à leur étreinte. La porte par laquelle nous pénétrâmes à l'intérieur de l'antique cité forme une voûte de 6 mètres de profondeur, et c'est avec raison que M. Mouhot l'appelle un arc de triomphe. Des têtes d'éléphants décorent le sommet, et les trompes, déployées verticalement comme des fines colonnes, s'appuient sur une gerbe de larges feuilles. La tristesse l'emporte encore sur l'étonnement, quand, après avoir franchi cette magnifique barrière, on tombe dans l'épaisse forêt qui remplit la vaste enceinte enserrée par d'aussi fières murailles. Il faut passer à travers d'inextricables fourrés, pour arriver jusqu'aux ruines des rares édifices dont on retrouve encore des vestiges. Recourir à la boussole pour ne pas s'égarer dans ces solitudes, peuplées seulement d'animaux sauvages, qui s'appellent et se répondent avec des cris rauques, que l'écho prolonge et qui semblent des gémissements. Nous avions dans M. de Lagrée un guide excellent. Il avait depuis longtemps découvert avec l'instinct infaillible de l'archéologue et étudié avec la passion du savant tout ce qui restait debout dans les murs de la ville, un temple, des bâtiments longs qui ont pu être des habitations princières et le palais des rois. Ce dernier s'écroule sous l'effort des racines et des lianes qui s'introduisent entre les pierres comme des coins de fer. Il paraît avoir été conçu par une imagination d'une richesse inouïe. Il était jadis surmonté d'un nombre prodigieux de tours, 40 ou 50 peut-être, dont quelques-unes, représentant des têtes de Bouddha, rappellent les sphinx d'Égypte. Soit qu'il m'ait été impossible de bien juger ce monument, dégradé, envahi par la végétation, obstrué de décombres, soit que cette architecture, qui fait de grosses tours avec de monstrueuses figures humaines, s'éloigne trop de nos habitudes pour ne pas dérouter nos appréciations, je ne puis consentir à placer sur le même rang cette construction bizarre et le temple dont j'ai parlé tout à l'heure, modèle de grandeur, d'harmonie et de simplicité. D'après Cristóbal de Jacques, l'un des Portugais qui se réfugièrent au Cambodge pendant le XVIe siècle, après avoir été chassé du Japon, encore n'était plus résidence royale en 1570. Il semble dire même qu'elle était à cette époque abandonnée déjà de ses habitants. La civilisation, dans le sens complexe que nous donnons à ce mot, était-elle en rapport chez les anciens Cambodgiens avec ce que semblerait indiquer de pareils prodiges d'architecture? Le siècle de Phidias était le siècle de Sophocle, de Socrate et de Platon. À Dante succédèrent Michel-Ange et Raphaël. Il y a de lumineuses époques pendant lesquelles l'esprit humain, se développant sous toutes ses formes, aborde tous les genres et, dans tous, crée des chefs-d'œuvre qui procèdent d'une même inspiration. Les peuples de l'Inde ont-ils jamais connu ces périodes d'épanouissement complet? Cela paraît peu probable. Et pour acquérir la conviction que cela n'est jamais arrivé aux Khmers, il suffit de lire le voyageur chinois du XIIIe siècle, dont M. Abel Rémusat a traduit la relation. Il décrit les monuments de la capitale, qui étaient pour la plupart complètement dorés, et il ajoute qu'à l'exception des temples et du palais, toutes les habitations étaient couvertes en chaume. Les dimensions en étaient réglées d'après le rang des possesseurs, mais les plus riches ne se hasardaient pas à construire une maison semblable à celle des grands officiers de l'État. Le despotisme entretenait la corruption des mœurs, et certains usages signalés par notre auteur dénotent une véritable barbarie. D'ailleurs, quand on parcourt ces ruines, on ne peut se défendre d'une observation générale dont quelques exceptions ne détruisent pas la portée. La forme humaine n'était pas comprise, et si le Cambodge a eu d'incomparables architectes et des ciseleurs merveilleux, il n'a pas produit de sculpteur. En face de ces grands débris du passé, on est frappé d'admiration. Mais l'émotion fait défaut, et la jouissance n'est pas complète. les restes d'un monastère écroulé au sein d'une forêt d'Allemagne, les murs lézardés du château désert qui abritait le baron féodal, remuent plus profondément. Des hommes de notre race ont pensé derrière ces murailles, ont combattu derrière ces créneaux. Nous pouvons reconstituer leur vie, suivre les larges traces de leurs pas. Ici, en ce point de l'extrême-orient, tout est mort, jusqu'au souvenir de cette brillante théocratie, mère d'une civilisation matérielle certainement poussée fort loin, mais qui n'a pas connu d'âge viril. Les efforts de la science, qui nous ramènent peu à peu vers notre origine et nous montrent des frères dans les premières castes de l'Inde, intéressent l'esprit plus qu'ils ne touchent le cœur. La séparation remonte trop loin. Et ces sépulcres nous semblent trop beaux pour la race qui y est ensevelie. Après 8 jours de courses pénibles et d'études incessantes, M. de Lagrée donna le signal du départ. Notre camp, établi dans une chaumière au pied du grand temple, fut levé avant le jour, et notre caravane formée, comme à l'arrivée, de chevaux, de chars à buffles et d'éléphants. Un de ceux-ci, monstrueux et muni d'énormes défenses, se tient immobile entre 2 colonnes du péristyle et semble, à la lueur incertaine du jour naissant, faire partie du soubassement de l'édifice. Nous rejoignîmes la canonnière, qui nous ramena promptement à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Notre premier soin alors fut de parcourir les boutiques des marchands chinois afin de compléter notre chargement d'objets d'échange. Nous avions emporté de Saïgon des pièces de velours et de soie, quelques armes sans valeur, une véritable pacotille à laquelle nous ajoutâmes alors des cotonnades de toutes couleurs, de la verroterie, du fil de laiton. Outre les sacs de Tikossi à moi, venus de Bangkok, notre trésor se composait d'or en feuilles et en barres et de quelques piastres mexicaines, le tout représentant à peine une valeur de 30 000 francs. La commission était formée de 6 membres, l'escorte de 2 matelots et de 2 soldats français, de 2 tagals des Philippines, choisis parmi les meilleurs de ceux qui sont restés à Saïgon après le départ des troupes espagnoles, et de 6 annamites. Nous emmenions en outre un interprète européen qui parlait facilement le siamois, un interprète cambodgien et un interprète laotien. Celui-ci, ayant séjourné longtemps au Cambodge, connaissait la langue de ce pays. Monsieur de Lagrée d'ailleurs était seul en mesure de s'entendre avec ces 2 derniers. Les Cambodgiens vinrent prendre congé de nous et cherchèrent à nous dissuader de partir. Ces braves gens ne réussissaient point à comprendre quel intérêt pouvait pousser les étrangers demeurant en haut de la démer à entreprendre un voyage qu'aucun d'eux n'oserait tenter. Ils sont retenus par des récits fabuleux nés de craintes imaginaires. Le roi lui-même, dont les prédécesseurs étendirent leur domination sur une partie du Laos, ne sait rien de ce pays, si ce n'est que l'air et l'eau en sont mortels. Notre interprète cambodgien, jeune homme plein d'intelligence et de santé, qui a vécu longtemps au milieu des Européens, recula lui-même effrayé au dernier moment. Il feignit une maladie et l'on fut obligé de l'entraîner de force. Quant au Laotien qui nous accompagnait, il semblait joyeux de revoir son pays. Fils d'un marchand ambulant, il avait longtemps suivi son père à travers les montagnes et les forêts, couchant sous les arbres ou dans les pagodes, vivant du riz que les lois de l'hospitalité accordent gratuitement à tout voyageur. Un jour, au milieu d'une de ses courses, son père mourut. Il lui ferma les yeux et confia sa cendre aux bonzes d'un village, puis, continuant son voyage à l'aventure, marchant ou s'arrêtant suivant ses caprices, il finit par arriver à Bangkok d'où il passa au Cambodge. Il avait appris la vertu des plantes pendant son séjour dans les forêts. Il arrivait d'un de ces pays lointains, et par là même merveilleux, qui borde le grand fleuve dans le voisinage du grand empire. Il n'en fallait pas davantage pour lui attirer les respects. Il mit le comble à sa fortune en se faisant bonze, acquit en cette qualité la confiance de la mère du roi, et vécut comblé de friandises et d'honneurs. Sacrifiant tout cela au désir de prendre femme, il avait jeté le froc jaune aux orties, et le bronze dodu et vénéré, l'oracle savant et rare qui tranchait les cas réservés, devint un homme mal nourri et fut un mari trompé. Il continuait par habitude de chanter tout le jour les louanges de Bouddha, et craignant qu'on ne lui volât son dieu familier, petite statuette en argent doré, il me le confia, et je le serrai dans le sac qui contenait mes piastres. Cependant, le roi Norodome ne voulut pas nous laisser partir sans donner une fête en notre honneur. Dans le hangar qui sert de salle de trône à Sa Majesté, des chaises rangées sur la même ligne furent préparées pour nous recevoir. Celle du roi était naturellement la plus haute. Aux premiers accords de l'orchestre, les actrices se présentèrent dans leur accoutrement ordinaire et commencèrent un interminable ballet pantomime accompagné de récitatifs complètement inintelligibles pour nous et psalmodiés par le chœur sur un ton nasillard. Le roi paraissait suivre avec intérêt les évolutions de ses femmes qui s'arrêtaient souvent devant lui et lui adressaient un salut spécial rempli de grâce sensuelle. Les danseuses accroupies élevèrent peu à peu les mains au-dessus de leur tête. Leur corps, d'abord replié sur lui-même et dont un costume brillant dessinait les formes, se développa en trois secousses mesurées par l'orchestre. Puis elles demeurèrent un instant agenouillées, la poitrine tendue en avant. Les costumes imitaient ceux des rois et seigneurs conservés par les sculptures des bas-reliefs. On y remarquait beaucoup d'or et de clinquants, de verre et de pierres précieuses, singulier mélange de luxe et de misère qui rappelait les théâtres de la foire. Le roi paraissait ravi et ne put résister à l'envie de demander à son voisin laquelle parmi les actrices lui semblait la plus jolie. L'interprète, interrogé silencieusement, désigna de l'œil celle qui jouissait en ce moment des faveurs royales, et Norodome parut très satisfait de la réponse. Après les toasts et les poignées de main, usage nouveau et familier qui scandalise un peu les partisans de la vieille étiquette, nous quittâmes le palais. La canonnière qui nous emporta salua de 21 coups de canon le pavillon cambodgien. Les misérables pièces qui composaient toute l'artillerie du roi s'efforcèrent de répondre à cette salve d'adieu et nous entrâmes dans le grand bras du Mékong. L'instant est solennel. Chacun se renferme en soi-même. Les fronts deviennent graves, les bouches muettes, mais une joie intime illumine les regards. Notre voyage avait commencé. Les provinces riveraines du grand fleuve me parurent une des parties les mieux cultivées du Cambodge. Elles produisent une grande quantité de maïs et surtout de coton. L'île de Koh Samui rapporte à elle seule à la mère du roi un revenu annuel de 15 000 francs, qui représente à peu près le dixième de la valeur de la production totale. Les villages, ombragés par les cocotiers, qui balancent leurs lourds panaches au-dessus des cases en bambou, ont un air d'élégance qui augmente à mesure que nous nous éloignons de Phnom Penh. Contrairement en effet à ce qui se passe en Europe, la proximité de la capitale n'est point dans ces pays une garantie de sécurité pour les populations corvéables. À moins de 2 journées au-dessus de Phnom Penh, la navigation du Mékong devient difficile. La canonnière nous conduit jusqu'à Krachet et se prépare à regagner Saïgon. Désormais la France était devant nous et non derrière. Nous étions résolus à n'y revenir qu'en traversant Chine. C'est vers la Chine que se dirigèrent toutes nos aspirations. Monsieur de Lagré redoutait l'enthousiasme, parce qu'il le savait voisin du découragement, et qu'il prévoyait que notre œuvre serait surtout une œuvre de patience. Le gouverneur de Krachet, auprès de qui nous avions été devancés par une lettre du roi Norodome, employa plusieurs jours à réunir les barques nécessaires à l'expédition. Encore ne réussit-il qu'à demi. Nous étions en pays ami. Les autorités montraient une bienveillance réelle, et il fallait déjà, pour ne pas subir de retard, abandonner une partie de nos provisions. Cela faisait pressentir le dénuement complet qui nous attendait plus loin. Ces barques sont en d'étroites pirogues, faites en général d'un seul arbre creusé au feu, et munies d'une installation spéciale qui leur permet de remonter le courant torrentiel du fleuve. Elles sont recouvertes, dans toute la longueur, sauf aux deux extrémités, d'un toit arrondi composé de larges feuilles qu'emprisonne un double treillage en lanière de bambou. Cette couverture amortit assez bien les rayons du soleil, mais elle est trop souvent inefficace contre la pluie. De gros bambous immergés et fixés au flanc de ces pirogues leur donnent la stabilité, qui leur manquerait sans cette précaution ingénieuse. Une planche étroite forme une galerie extérieure sur laquelle les bateliers circulent aisément. Chacun d'eux, muni d'une longue gaffe, s'accroche aux branches des arbres, aux aspérités des rochers, tandis que le patron, assis à l'arrière, manœuvre habilement la pagaie qui sert de gouvernail. Pendant 8 heures par jour, nos malheureux Cambodgiens tournent autour de nous avec la docilité de ces chevaux aveugles qu'on emploie à mouvoir une roue, et leur chef, quand ils semblent faiblir, leur crie qu'il les fera battre en arrivant. Ils sont doux et résignés, souvent même presque joyeux. Ce sont cependant, pour la plupart, des gens arrachés à leur rizière, éloignés de leur famille et de leurs intérêts. Ils n'ont droit à aucun salaire, car au Cambodge, de 18 à 60 ans, tout homme libre doit la corvée, et nous sommes pourvus d'un ordre du roi. Je venais de quitter la civilisation, j'entrais dans un pays sauvage, j'avais passé sans transition du navire à vapeur à la pirogue. Le toit étant trop bas pour me permettre de m'asseoir, il fallait demeurer à demi renversé en arrière, et l'eau de pluie recueillie dans la cale m'envahissait à chaque instant. Le patron était cependant plein d'attention, j'étais un grand seigneur à ses yeux, et il ne manquait jamais, pendant les grains, de plier une feuille de bananier avec laquelle il s'efforçait de vider la barque. Le fleuve est semé d'îles qui le divisent en un grand nombre de bras. Ce n'est que dans un brume lointain qu'on apercevait la rive opposée à celle que nous suivions. Les eaux, se brisant contre les roches qui formaient une succession presque ininterrompue de rapides, élevaient dans l'air une grande voix mugissante. Entre les îles, ces rapides présentent un aspect singulier. Sur les rochers, les bas-fonds, une incroyable quantité d'arbustes ont pris racine. Ils paraissent au-dessus de l'eau, l'échine ployée par le courant. On dirait une forêt inondée. Quelques arbres de haute taille semblent ne tenir à la terre que par les lianes qui les unissent à la rive comme des racines aériennes. Nos bateliers faisaient preuve d'une hardiesse extrême et d'une merveilleuse agilité. Ils dirigeaient avec précision leur esquif le long des sentiers sinueux tracés par le hasard entre les arbres autour desquels l'eau bouillonnait en redoublant d'impétuosité. Équilibriste consommé, ils ne manquaient jamais de saisir le tronc rugueux ou la branche flexible qui pouvait leur servir d'appui et empêcher la pirogue de prêter le flanc au courant qui le jetait sur les écueils. Après quelques heures de ces émotions, je ne voyais jamais sans plaisir arriver le moment de la halte. Nous avions la forêt pour salle à manger, et plusieurs fois des troupeaux de sangliers ont dû nous céder la place. Notre chambre à coucher, c'était la geôle étroite et humide de nos pirogues. Le soir venu, on coupait les arbres, on arrachait les grandes herbes toutes ruisselantes de pluie, les feux finissaient par s'allumer, chacun s'évertuait, et le dîner commençait, le plus souvent très frugal, quelquefois somptueux, suivant la fortune de la chasse, mais toujours très joyeux. Les souvenirs de Paris, les chances de notre voyage et par accident les discussions politiques et religieuses jetaient aux échos étonnés de ces grands bois des mots bien nouveaux pour eux. Une cigale retentissante nous poursuivait de station en station et entonnait à la même heure sa note unique et prolongée comme pour donner le ton aux chantres ordinaires de ces sombres palais de verdure. Dans ces régions, la vie semble se ranimer dans la nature à la tombée de la nuit. Les animaux, accablés comme l'homme par la chaleur du jour, font une longue sieste jusqu'à ce que le soleil soit prêt de quitter l'horizon. Un soir, nous nous étions arrêtés au fond d'une petite crique, nous croyant à l'abri du courant et du vent. Nos barques serrées les unes contre les autres et même engagées dans un ruisseau presque à sec, nous nous étions endormis tranquilles malgré le cri aigu et assez rapproché du tigre. Tout à coup un orage éclata sur notre tête. Une pluie diluvienne tomba sur notre campement, une de ces pluies tropicales auxquelles rien ne résiste, qui créent en 10 secondes des fleuves puissants et transforment en impétueux torrents le moindre filet d'eau. Le ruisseau paisible où nos barques flottaient à peine s'enfla tout à coup, et ce ne fut qu'avec bien des efforts que nous parvîmes à nous rattacher au rivage. Le danger passé, nous pûmes jouir à l'aise du beau désordre de cette nature vierge à laquelle la lumière pâle de l'électricité prêtait des charmes mystérieux. Enfin, après 9 jours de cette navigation périlleuse et lente, nous arrivâmes à Stung Treng, premier village du Laos. Stung Treng est situé en partie sur le grand fleuve, en partie sur la rivière Datopé, premier grand affluent du Mekong. La province dont il est le chef-lieu appartenait jadis au Cambodge et n'en a été détachée qu'au siècle dernier. Elle a une certaine importance politique car elle est voisine de nos possessions annamites et les mécontents chassés de Thaï Ninh, l'un de nos postes avancés, peuvent s'y réfugier pour réparer leurs pertes ou former de nouveaux plans de campagne. Ainsi s'achève « Les ruines d'Angkor », extrait de « L'exploration du Mekong » par Louis de Carnet.